L'intendant Ralph par Marie-Elisabeth Braddon. Chapitre 1er. L'enterrement du fils aîné. Une pluie fine tombait sur les herbes hautes touffues et sur la mousse des tombes du cimetière du village d'Aulnay-sur-Trent, dans le comté de Lincoln. De temps en temps, arrachée par la pluie incessante, une feuille se détachait d'une rangée de sycomores qui bordait le petit mur entourant le cimetière et tombait tristement sur les pierres tubulaires placées sous les arbres. Cette sombre journée de septembre ne promettait pas un rayon de soleil dans la triste teinte grise d'un ciel bas et couvert. Une demi-douzaine de paysans et quelques enfants étaient réunis par groupes à l'angle du mur irrégulièrement bâti. Ils se serraient dans leurs vêtements trempés, comme si ce mois de septembre eût été un mois de janvier. À l'un des angles du cimetière, on entendait le bourdonnement monotone de la voix du pasteur d'Aulnay lisant l'office des morts. Près de la porte blanche, de l'autre côté de l'église, stationnaient trois voitures de deuil, entourées par un autre groupe d'enfants, qui, malgré la pluie continue, restaient, la bouche béante, à examiner les longues queues noires des chevaux et le visage de circonstance des cochers. Le service funèbre venait de finir, et le conducteur du deuil s'avançait gravement, à travers le cimetière, suivi de 7 ou 8 personnes qui avaient assisté à la cérémonie. Il éprouvait évidemment un profond chagrin. Ses yeux creux étaient secs, sans larmes, mais il marchait le regard fixé devant lui, absorbé par une tristesse qui faisait mal à voir. Il prit place dans l'une des voitures, accompagné de son oncle, un vieux fermier aux cheveux gris, et du notaire du village. « Il faut prendre courage. Il faut prendre courage, mon cher Dudley, » dit l'homme aux cheveux gris, tandis que la voiture de deuil s'avançait en cahotant sur le pavé inégal de la grande rue d'Aulnay. « J'en prendrai, mon oncle Richard, mais c'est plus pénible à supporter que je ne le croyais, » répondit celui qui conduisait le deuil. Et à la stupéfaction de ses compagnons, il baissa la glace de son côté et se penchant en dehors, il regarda le cimetière qu'il venait de quitter. Il resta dans cette position jusqu'à ce qu'un détour de la rue vînt lui masquer le cimetière, puis rentrant sa tête, il releva la glace en poussant un léger soupir. « Pauvre garçon, il veut jeter un dernier regard sur la tombe de son frère, » ajouta le vieillard aux cheveux gris, en s'adressant au docteur pendant que son neveu regardait par la portière. Après ceci, le conducteur du deuil demeura immobile, ne parlant point à ses compagnons, mais regarde fixement la grande route, les feuilles ruisselantes d'eau et les bestiaux qui tremblaient de froid dans les prairies humides. C'était un jeune homme de 21 ans, mais qui paraissait plutôt en avoir 30. Il avait le teint clair, le nez droit, les lèvres vermeilles, comme celles d'une femme, le menton un peu rentré, le front bas, de grands yeux bleus et des cheveux châtain clair. Il était joli garçon et passait pour avoir un extérieur qui prévenait en sa faveur. Il était le plus jeune fils de feu Arthur Carleon, gentilhomme fermier, et propriétaire de la ferme grise dont les terrains plats, situés sur les bords d'une rivière étroite, étaient souvent, ainsi que les prairies environnantes, submergées par les eaux. La maison d'habitation de cette ferme grise était située à environ 1 mile de la grande route, et le sentier qui y conduisait côtoyait le bord d'une rivière, rivière étroite et triste, sur laquelle des bateaux à charbon montaient et descendaient entre Grimsby et Lincoln. Les terres principales de cette ferme, qui consistait en 380 acres, étaient basses et plates au bord de la rivière et s'étendaient jusqu'à la berge qui seule les séparait de l'eau, qui, comme nous l'avons dit, inondait parfois les prairies les plus proches. C'est le long de cette berge que s'avançaient, doucement et avec précaution, les trois voitures de deuil, car la route, dangereuse en tout temps, le devenait bien davantage lorsque venait la nuit. Le triste cortège arriva au bout d'une demi-heure devant la grille du jardin situé devant l'habitation. Les personnes qui avaient accompagné le convoi descendirent de voiture, se rassemblèrent silencieusement dans une vaste salle basse, garnie de panneaux en chêne et meublée de cette façon lourde et massive à la mode il y a un demi-siècle. Les Carleon étaient une des plus anciennes familles du comté de Lincoln. L'habitation de la ferme grise était remplie de portraits de beaux gentilshommes, revêtus de pourpoint, soldats tombés à Bosworth et à Flodden, cavaliers qui s'étaient battus à Worcester, braves et hardis guerriers qui avaient contribué à la défaite des rebelles à Marston Moor. Mais depuis les 150 dernières années, l'épée avait été remplacée par la charrue et les Carleon avaient été fermiers de père en fils. La propriété de la ferme grise, ainsi nommée parce qu'elle avait appartenu autrefois à une confrérie de l'ordre des moines gris, qui bâtirent une abbaye dans cet endroit, fut achetée en 1700 par le plus jeune fils de la maison de Carléon, dont la branche aînée s'était éteinte, et par conséquent tous les autres biens étaient devenus propriété de l'État. C'est ainsi que les Carléonais étaient arrivés à être gentilshommes fermiers. Dudley Carléon se dirigea vers l'immense cheminée dans laquelle une triste flamme s'élevait au milieu d'une masse de charbon et d'une épaisse fumée blanche. Le jeune homme appuya son bras sur l'angle de la haute cheminée, puis plaça sa tête sur son bras, dérobant son visage au regard des autres personnes, très embarrassé du long silence qu'il gardait. Une jeune femme, la servante principale, habillée comme son maître de vêtements de deuil, s'occupait à servir du vin et des gâteaux. Après en avoir offert aux visiteurs, elle s'approcha de Dudley, mais le jeune homme, entendant le tintement des verres auprès de son épaule, tourna brusquement la tête et fit un signe négatif rempli d'impatience. Il était fort pâle, et ses grands yeux bleus étaient entourés d'un cercle rouge, ce qui leur donnait un air étonnamment hagard. L'une des personnes présentes, un notaire d'Aulnay, fit la lecture du testament du défunt. Il était fort concis. Martin Carléon n'avait rien à laisser que la ferme et ses dépendances, ferme dans laquelle il était né et où il avait passé sa courte existence, un laps de 23 ans. Il était mort d'une maladie produite, selon les médecins, par l'humidité de la ferme grise. Jeune, beau, vigoureux, d'une robuste constitution, le fermier avait succombé à une maladie de langueur longue et douloureuse. Il ne s'était jamais marié, et Dudley était son seul frère, de sorte que personne n'avait jamais mis en doute qu'il hérita de son patrimoine. La propriété, malgré sa décadence de père en fils, n'avait jamais été entamée, et le testament du père de Martin n'avait pris aucune précaution pour le cas où le jeune homme serait mort sans enfant. Mais l'attachement des deux frères l'un pour l'autre avait été si sincère que le testament était regardé comme une simple formalité. Il était conçu dans les termes que chacun devinait d'avance. Moi, Martin Carléon, étant saint d'esprit, quoique faible de corps, donne par le présent acte à mon bien-aimé frère, Dudley Carléon, toutes les terres, dépendances, constructions connues sous le nom de ferme grise, ainsi que les troupeaux, instruments agricoles, etc., etc. Suivaient quelques legs de peu d'importance, une tabatière en or pour son oncle Richard Weston, le vieillard aux cheveux gris présent à la lecture du testament, sa montre et sa chaîne à une jeune dame avec laquelle il avait dû se marier, et quelques cadeaux pour les domestiques. Pendant la lecture du testament, le jeune homme n'avait point levé la tête et avait gardé sa même position à l'angle de la cheminée. Mais quand cette lecture fut terminée, et lorsque les visiteurs se levèrent de leur siège et s'approchèrent de Dudley avant de partir, il les regarda avec la même expression de physionomie qu'il avait à la porte du cimetière, une expression qui semblait vouloir dire « Que dois-je faire maintenant ? Vous êtes bien bon », murmura-t-il en réponse aux paroles de consolation qu'on lui adressait. « Oui, je ferai de mon mieux pour supporter cette perte. » Il répétait ces paroles continuellement, d'un air abattu et égaré, et poussa un soupir de soulagement lorsque la porte se fut refermée sur le dernier visiteur et qu'il fut resté seul avec son oncle. Il demeura silencieux quelque temps, sa tête entre ses mains, tandis que le vieillard le regardait furtivement et comme effrayé de parler. Au bout de quelque temps, il se tourna et dit avec une brusquerie étonnante « Savez-vous si Agnès Marlowe a beaucoup de chagrin ?» Agnès Marlowe était la fille du pasteur et avait dû épouser Martin Carléon. « On le dit à Aulnay, » répondit M. Weston. « On dit qu'elle est très malade et n'a vu personne que son père depuis la mort de votre frère. » Elle vint ici, la veille de sa mort. Lorsqu'on alla chercher son père, elle entendit faire la commission, se glissa hors de la maison derrière lui et le suivit jusqu'ici. Je n'oublierai jamais sa figure décomposée pendant qu'elle se tenait à la porte de la chambre de Martin. Jamais je n'oublierai son visage pâle. Cette image me poursuit aujourd'hui plus que la sienne. Mon pauvre garçon, ce sont de folles idées. Le chagrin d'Agnès n'a rien de commun avec le vôtre. Vous avez rempli votre devoir envers votre frère depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est quelque chose, murmura Dudley. Quelque chose, mais c'est tout. Martin était un bon frère pour vous. Dudley trembla involontairement. Un excellent frère. Il avait fort à faire pour payer vos dépenses au collège, je puis vous l'assurer, Dudley. mais il disait toujours qu'un seul fermier à la fois suffisait dans la famille Carleone, et que vous auriez de l'éducation et seriez un homme bien élevé. Et dépendant de la bonté de mon frère, dit Dudley amèrement. Non, Dudley, Martin ne pensait pas vous faire une faveur, ni avoir de la bonté pour vous en agissant ainsi. Martin, peut-être non, mais les autres le pensaient. Le vieillard devait dîner et passer la nuit à la ferme grise, sa résidence étant à Thorpe Range, à 10 miles de l'autre côté d'Aulnay. L'oncle et le neveu dînèrent dans une salle située derrière la pièce au panneau en chêne dans laquelle on avait lu le testament. Ils étaient servis à table par une servante. « Alors vous allez vous mettre à la tête de la ferme, Dudley ?» dit Weston pendant qu'ils buvaient leur bain. La chambre seulement éclairée par le feu qui flambait, et le ciel au dehors s'obscurcissant par le crépuscule de septembre. « Oui, je puis ne pas connaître l'agriculture aussi bien que le pauvre Martin, mais j'en sais un peu, et je puis en apprendre davantage. Enfin, j'accepterai le sort des Carleone, et je deviendrai gentilhomme campagnard. Je ne crains qu'une chose, Dudley, et c'est que vous n'attrapiez la maladie qui a tué Martin. Les médecins attribuent son affection à l'air de la ferme grise. Alors comment se fait-il que les gens qui demeurent ici et sont à travailler dans les champs depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, n'ont jamais été atteints de la maladie qui a emporté le pauvre Martin? Croyez en ma parole, ce n'est point la ferme grise qui est à la cause de la mort de mon frère. Il ne devait pas avoir une bonne constitution. Quoi? Un jeune homme si grand, si fort, avec une poitrine si développée, répondit son oncle. Est souvent le premier à succomber à une maladie que l'ignorance des médecins ne connaît point. Martin avait vécu 23 ans dans la ferme grise, et si cet automne a été froid et pluvieux, d'autres automnes l'ont été aussi. Si les terres de la ferme ont été à moitié submergées cette année, elles l'ont été à moitié d'autres fois. C'est mon opinion, mon oncle, que la vie de Martin eût pu être sauvée, si son médecin n'eût point été un ignorant. C'est cela en partie qui cause mon chagrin au sujet de mon frère. Je le regarde comme sacrifié à l'ignorance de ces deux praticiens, et je ne me pardonnerai jamais de n'avoir point fait venir un médecin de Londres avant qu'il fût trop tard. Quoi? Vous en avez demandé un? J'ai envoyé une dépêche télégraphique à Londres, une demi-heure avant qu'il mourût. Mon cher enfant, vous avez fait votre devoir. Mais, dites-moi, continua le vieillard, impatient de changer de conversation, quelle disposition allez-vous prendre pour votre intérieur? Gardez-vous tous vos serviteurs? Tous les laboureurs de la ferme, tous les servantes de la cuisine. Aucun domestique ne quitte jamais Carleone excepté pour aller au cimetière. La jeune femme qui a versé le vin après les funérailles paraît être supérieure à sa position. Qui est-elle? Oh, je suppose que c'était Marthe. Elle était la femme de confiance de mon frère. Elle est la sœur de mon intendant, un jeune homme bien intelligent. Elle est jolie fille. Vous trouvez? Trop pâle, trop brune, trop épaisse. Je crois que cette fille n'a jamais été jeune. Je me souviens de l'avoir toujours connue grave et puritaine, avec un visage pâle et sérieux, ses cheveux plats collés sur son front. Mais c'est une excellente femme de charge. C'est une femme de charge qui est bien jeune, Dudley. J'en aurais presque peur à votre place. Les fermiers célibataires épousent quelquefois leur gouvernante. C'est devenu la mode, et les femmes qui savent cela préparent leurs cartes dans ce sens. Il faudra qu'elle eût un plus beau jeu que celui que je lui donnerai pour m'attraper, malgré toute sa science, répliqua Dudley. J'ai un peu de l'orgueil des vieux Carleone, et on ne se souvient point qu'aucun d'eux ait épousé leur servante. Un peu après 10 heures, Dudley conduisit son oncle à l'appartement qu'on lui avait préparé. Ils montèrent un large escalier à rampe en chêne. Pour arriver à cette chambre, ils avaient à traverser un long corridor dans lequel, d'un côté, de massives portes en chêne donnaient entrée aux chambres à coucher. Devant la première de ces portes, Dudley s'arrêta, le visage pâle, et en s'appuyant contre le mur derrière lui. « La chambre de Martin, » murmura-t-il d'une voix rauque, « la chambre dans laquelle il est mort. » Voici l'endroit où Agnès était la nuit de la mort de mon frère. On a parlé de fantômes, dit-il avec un rire forcé. Figurez-vous un cadavre auquel la galvanisation a donné 5 minutes d'existence, et vous aurez une idée de ce à quoi elle ressemblait. Venez, venez, mon cher enfant, ne me plaignez point. Je suis un poltron, un misérable poltron superstitieux. Je ne me croyais pas ainsi. » Le jeune homme passa sa main sur son front, se redressa, précéda son oncle jusqu'au bout du corridor. Il ouvrit la porte et entra dans un appartement très confortable, quoique meublé à l'antique, qui communiquait avec une autre chambre de la même grandeur. On avait allumé du feu dans les deux chambres à coucher, et une flamme brillante éclairait les lambris de l'appartement. Weston dormit aussi bien la nuit des funérailles de son neveu qu'il avait l'habitude de dormir sous son propre toit, à la grange. Une ou deux fois cependant, durant les tristes heures de cette longue nuit d'automne, il fut réveillé par le pas monotone du nouveau propriétaire de la ferme grise qui arpentait de long en large le parquet en chêne de sa chambre à coucher. « Pauvre garçon !» murmura le vieillard, tout en renfonçant sa tête dans son oreiller et en se rendormant. « Pauvre garçon ! Quelle sincère amitié existait entre ces deux jeunes gens !»